J'vois le mal partout, gros, c'est pas ce qui manque. Sur le cœur j'ai un ski masque des samouraïs, faut qu'un escrimeur. Autour de moi tout a gelé comme un esquimau. Et j'pense qu'à tabac H24. Dans la tête on n'est pas intact, j'me sens comme l'autre bac, tout du 3-1-3. Car en vérité y'a déjà depuis le placenta. Et c'est comme ça, j'ouvre un œil, j'ai le mort sous Jack Daniel, j'suis Philippe Strevor. J'aime pas ta gueule, j'fais aucun effort. Tombé love deux fois, j'ai vu plus d'escortes. Sous le coussin j'ai trois couteaux et des amigos, j'ai pas mucho. Mon vrai visage ça dépend des jours, va deviner les intentions de Kabuto. J't'assure, j'suis hyper sensible, touche-moi, c'est le home run dans les gencives. Je ne fais que protéger les miens et le reste. Tant pis, j'dois rien à personne, j'm'en fous d'être gentil. Il flex à fond, billet pour Dubaï. Moi j'ai fait du cash et j'ai toujours mal. Et les raclés à tort, mon visage cassé. Mais au fond, j'suis moche, j'suis un Uruk-hai. Les jours meilleurs viennent pas. Les bras croisés comme Ramsès, pas de courbette et pas de votre altesse. On veut le train de vie de Corto Maltese. Oublie pas de moukave si j'respire. Madara brise l'esquive, on fait un peu d'oseille, on va chez Gucci. D'après toi qui baisse qui? Chaque jour j'ai le démon. L'ennemi ravoir les anges, grand œil voit tout. Surveillance et maltraitance tatouée pour me souvenir. J'oublierai à l'arme blanche, j'ai été salaud. Ces salauds veulent pas que je change, chaque jour j'ai le démon. L'ennemi ravoir les anges, grand œil voit tout. Surveillance et maltraitance tatouée pour me souvenir. J'oublierai à l'arme blanche, j'ai été salaud. Ces salauds veulent pas que je change. Le poids du monde sur les cervicales, ils ferment les yeux, non c'est ce qui se trame. Et dehors y'a rien, je vais pas en soirée. Mon frelon, y'a tout ce qu'il faut dans des villemans. 5 ans que je vis du rap, sa mère sans maison de 10, je dois être meilleur que. Et je fais ce que je veux, je joue un peu de guitare. Après je fais de la drill comme un New Yorkais. Être un homme c'est du sport, toi tu me regardes comme si je portais une corne. Et j'entends parler les serpents comme si j'étais homme, j'ai du zor. Et je porte ma croix miséricorde. Jeune MVP comme Terry Crow, je suis pas comme eux, moi j'ai grandi entre Kurt Cobain, Eric Cross. Chaque jour j'ai le démon. L'ennemi ravoir les anges, grand œil voit tout. Surveillance et maltraitance tatouée pour me souvenir. J'oublierai à l'arme blanche, j'ai été salaud. Ces salauds veulent pas que je change, chaque jour j'ai le démon. L'ennemi ravoir les anges, grand œil voit tout. Surveillance et maltraitance tatouée pour me souvenir. J'oublierai à l'arme blanche, j'ai été salaud. Ces salauds veulent pas que je change.